cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير عندما تفضل نعم ما يتعلق بالحوض أي الباصة يوم القيامة فما الدليل أولا من السنة على الحوض سيكوا لابخذ على الحوض عندما تفضل نعم أنا فرطكم على الحوض وقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر الماء ماء الحوض من الكوثر نعم أحسنت أن لا سخص جحوت الكوثر فالكوثر في الجنة نهر في الجنة أما الحوض فيوم القيامة وماذا قلنا في أوصافه أي لزحسب دس حوض les caractéristiques de ce haud, ماذا قلنا عرضه طوله وعرضه سواء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء هذا الحوض عندك يعني ابيض يعني كاللبن ابيض من اللبن ابيض من اللبن ها احلى من العسل احلى من العسل وريحه كالمسك نعم أحسنت فهذه بعض أوصاف الحوض وآنيته ماذا قلنا عن الآنية وما معنى الآنية تفضل عدده يعني أكثر من نجوم السماء نعم الآنية دي فير لي ريسيبيان دون لكل بوا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها هذا ما يتعلق بالحوض من يقرأ من حفظ يقرأ المنظومة تفضل يا سائلي عن ذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنهم ولا يتبدل حب الصحابة كلهم مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آية الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عادتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر منهم أحسنت قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل Dans ce vers de poésie, Cheikh al-Islam, rahmatullah alayh, il cite As-Sirat. فَمِنْ عَقِيدَةِ الْمُؤْمِنِ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُضْرَبْ الْجِسْرُ عَلَى الْجَهَنَّمِ Comme on va voir dans le hadith. وَالْجِسْرُ c'est un pont. هذا السراط Il sera au-dessus de Jahannam. Et ça sera une des dernières étapes avant de rentrer Al-Jannah. Bi-idhnillahi Azza wa Jal pour le mu'min. Et ça y'a'ti ma'ana anna certains y tomberont de ce sirat à cause de leur dhunoub. Amma al-kuffar fa ils sont finna. Donc nahnu on a cette croyance. On croit en ce sirat. Et on croit en la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, fi hadith Abi Sa'id, fi hadith Hudayfa, fi hadith Abi Huraira radiyallahu anhum, et d'autres hadiths, fa nu'min bi hadha kulli. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. Cheikh Mohamed, il a cité certaines preuves. على الصراط نقراها. Donc le sirat, on ne traduira pas à chaque fois. الصراط, ils traduisent par le pont. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. Donc cette étape c'est après le hisab, après les comptes, après le hawd. ثم يضرب الجسر على جهنم, un pont qui sera au-dessus de l'enfer, au-dessus de l'enfer. Yadam billah. قيل يا رسول الله وما الجسر. Ils lui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi هذا الجسر, c'est quoi ce pont. Et ils voulaient radiyallahu anhum plus d'informations. فقال النبي sallallahu alayhi wa sallam دحض مزلة, أي الموضع التي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. دحض مزلة, أي c'est un endroit glissant. لا تستقر فيه الأقدام, أي الإنسان il arrive pas à rester debout, لأن ça glisse. فيه خطاطيف تكون بنجد, فيها شويكة يقال لها السعدان. Aïe, khatatif, c'est des crochets. Sur les côtés de ce pont, des crochets. Wa takhtifu man sha'a Allahu subhanahu wa ta'ala. Aïe, ces crochets, ils attraperont certaines personnes. Bi amrillahi azza wa jal. Yuqalu laha as-sa'dan. Aïe, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple de ces crochets avec هذه الشويكة التي توجد في نجد وتسمى أو يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité des caractéristiques de ce حوض, أنه il sera glissant, كذلك il y a des crochets. ثم عليه الصلاة والسلام الآن il va citer les catégories de personnes qui vont traverser هذا الحوض. فيمر المؤمن أو المؤمنون, les croyants, ça nous montre أن الكافر, الكفار, ils ne traverseront pas الصراط. الكفار, ils seront في النار, ils seront jetés في النار avant الصراط. Et après les comptes, ils sont في النار. Cette étape c'est pour le مؤمنين. Est-ce que les منافقون, ils sont concernés? Si on dit qu'ils sont concernés كذلك, s'ils voudront traverser As-Sirat, ils seront jetés fi Jahannam li'annahum c'est des kafars. Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. On n'a aucun doute que ceux qui traverseront ce sirat c'est des mu'minun. Et كذلك il n'y a aucun doute que les kuffar ils seront fi nar Jahannam. Ces mu'minun, ces croyants, ils sont pas tous au même niveau. Ça te montre, akhil karim, l'importance de faire des efforts fi ad-dunya. لأن الجزاء من جنس العمل. Celui qui a fait des efforts fi ad-dunya, celui qui a fait des efforts fi sunnah, celui qui a fait des efforts fi al-ilm, sur le sirat, il ressentira la différence bi-idhnillahi azza wa jal. لأن الله عز وجل il est rahim karim. Les efforts ça paye. وسيأتي معنا dans l'autre hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré que les mu'minin traverseront ce sirat par rapport à leur a'mal. Tajri bihim a'malahum, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le deuxième hadith. Donc parmi ces mu'minin, qala fayamurru al-mu'minun ka tarafil 'ayn. Certains mu'min, certains croyants, ils traverseront ce sirat à la vitesse d'un clin d'œil. Et très rapide. Fa'a'ula, c'est. C'est ceux qui ont fait beaucoup d'efforts fi dinillahi azza wa jal. Qal wa kal barq. Certains, kal barq. Et la vitesse d'un éclair. Kadhalik, c'est très rapide. Wa kal rih. Certains, ça sera la vitesse du rih, du vent. Fa kadhalik, c'est rapide. Wa ka ajawid al khayl wa rukab. À certains, ça sera à la vitesse d'un cheval. كذلك, c'est assez rapide. فَنَادٍ مُسَلَّمْ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلْ وَمَكْدُوسْ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite à partir de ce moment les trois catégories de musulmans. فَنَادٍ مُسَلَّمْ فَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ils traverseront بِسَلَامَ. Par rapport à leur a'mal, enfin, plus il a fait des efforts, plus ça sera rapide. كَمَا مَثَّلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَادٍ مُسَلَّمْ. هذا اللي بالسلامة aucun mal le touchera. ومخدوش مرسل. فدوتر ils auront des difficultés. مخدوش ربما il aura subi certaines choses en traversant الصراط. لكن كذلك il traversera. لكن vous avez remarqué que c'est pas la même situation que le premier cas. Le premier cas, ils sont arfa, ils sont à un niveau plus élevé. Les ma'adali annahum, ils ont fait des efforts plus fit dunya. Enfin, ces deux catégories, ces deux genres de personnes, ils traverseront. وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمْ. Une troisième catégorie, أَنَّهُمْ عَيَدًا بِاللَّهِ ils tomberont فِي النَّارِ. Ces crochets que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informés, خَطَاطِيف, elles prendront ces croyants et ils seront jetés فِي نَارِ جَهَنَّمْ. هَؤُلَا c'est des mu'minouns. لَكِنْ ils ont fait des péchés et Allah subhanahu wa ta'ala il ne leur a pas pardonné. Ils sont obligés l'un de passer par un nar une certaine période pour se purifier de leurs péchés. Thumma, ils rentreront fi al-jannah après une certaine période. Ça nous montre كذلك la gravité des péchés. لَنَّا لَا تَظَنْ أَنَّ celui qui fait des péchés il est comme celui qui n'en fait pas. Là, الله سبحانه وتعالى لغفور لرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن on sait pas نحن est-ce que Allah nous pardonnera أم لا. Donc le mu'min doit avoir هذا الخوف, cette peur. كذلك il doit espérer لأن الله c'est أرحم الرحيم. فالمؤمن il est entre ces deux situations, خوف ورجاء. Et ce hadith في الصراط ففي الحقيقة te donne de l'espoir si tu fais des efforts. Celui qui fait des efforts, il traversera bisalama et très rapidement. Et كذلك, ça doit te pousser à avoir peur de tes dhunoubs. لِأَنَّ بَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ ils seront jetés فِي النَّارِ. قَالَ شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ, on lit une faïda de شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ce qu'on a résumé الآن, شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ il l'a cité في نعم شرحه على رياض الصالحين عند الحديث. قال أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط. أما الكفار فهي traverseront pas, بل ils emprunteront pas ce صراط. لماذا؟ لأنهم ils seront poussés في النار avant cette étape. ولا يمرون عليه بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا إلى هذا الصراط. فإي restera كل مؤمنين. Et كذلك ceux qu'ils ont fait apparaître l'Iman. ربما المنافق il sera encore présent à cette étape لكن il traversera pas. Si certains mu'mins à cause de leurs péchés seront plongés في النار pour être purifiés, فالكافر المنافق c'est un كافر أبدا il traversera. على كل حال الكفار الخلص ceux qui ont fait apparaître الكفر فهؤلاء ils traverseront pas الصراط, بل ils seront jetés en enfer avant. قاله شيخ ابن عثيمين بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط ويذهبون إلى جهنم وردا إنما يصعده المؤمنون فقط لكن من كان له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم. أي cette catégorie que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité, ومكدوس في نار جهنم, c'est des croyants لكن ils avaient des péchés et Allah سبحانه وتعالى ne l'aura pas pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, il pardonne à qui il veut. Certains mu'min ils ont fait des dhunoub, Allah il leur pardonnera, les hikmah. Et d'autres ils ont fait des dhunoub et Allah il leur pardonnera pas. Lakin notre aqida en tant que sunni, annahum tant qu'il meurt ala l'iman, c'est un muslim, c'est un mu'min, walaw si rentre fi nari jahannam, il sortira yawman min al-ayyam bi'idhnillahi azza wa jal. Qala shaykhul uthaymin wa yu'adhab بحسب أعماله والله أعلم انتهى. par rapport à ces deux mondes. Et la période et le châtiment qu'il subira finnar, tout ça c'est par rapport aux dhunoub. L'insan yatoub et il fait attention, لأن c'est pas quelque chose de simple. أن البعض يتساهلون في الذنوب et si tu le mets en garde ou tu le conseilles, فيقول الله غفور رحيم ou Allah il pardonne tout tant que je suis un mouahid. C'est pas aussi simple que ça. لأن هذا الموقف الآن في الصراط et كذلك في نار جهنم أشد, c'est pas simple. فالإنسان العاقل الموفق il fait tout pour mourir à la khair et faire partie de الناجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم il fait tout pour faire partie de هؤلاء. كذلك أن من يتساهل في الذنوب il n'a pas la garantie أنه يمغى على الإسلام لأن هؤلاء ils sont morts على الإسلام بإذن الله عز وجل ils rentreront في الجنة à un moment donné. لكن نحن on n'a pas le droit de se laisser aller في الذنوب لأن un péché va emmener un autre et celui qui a une mauvaise niya il ne sait pas comment il va finir. On fait attention à tous les dhunoub. Comme قال بعض السلف, regarde pas le péché, regarde celui à qui tu désobéis. لأن celui qui fait un grand péché, celui qui fait du kufr, celui qui fait un petit péché, ils ont tous désobéi à Allah Azza wa Jalla. Regarde à qui tu désobéis, regarde pas le péché. بعض الناس dit c'est pas grave, tout le monde fait ça. Ou Allah il est ghafur rahim. Là, celui qui عظم Allah Azza wa Jalla حق التعظيم, il déteste désobéir à Allah Azza wa Jalla, même dans quelque chose de qui n'est pas grave pour lui. Lakin ça peut être grave فوق الصراط. Si Allah ne te pardonne pas, tu es obligé de te purifier de ce dhanb. قال وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله نعم وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح أي le premier cas كالبرق أي نكلير ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال أي la vitesse d'un homme أي qui se déplace rapidement, qui court. تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم وتقدم معنا l'importance des أعمال. Il y en a cette vitesse là. Pourquoi certains seront très rapides et d'autres beaucoup moins? C'est par rapport aux أعمال. في هذا الحال ça sera pas ta couleur ou ton poids ou ton origine ou tes connaissances qui auront un rôle comme في الدنيا. في الدنيا كثير من الناس ils ont des places plus élevé que d'autres ou meilleur que d'autres par rapport à ses origines, à ses connaissances, à sa couleur, à son rang social. Amma fi sirat, là, c'est l'a'mal. Celui qui a des a'mal, maqboula, bien sûr, ay ikhlasun wa mutaba'a, il était sincère et suivait le prophète, ça lui sera utile. Fi hadha al-mawqif. Et celui qui n'a pas d'a'mal, ça lui sera d'aucune utilité. Qala, tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'im 'ala as-sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sera debout 'ala as-sirat et il dira rabbi sallim sallim. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam il pense à sa umma. Il fera ce dua rabbi sallim sallim. Hatta ta'jaz a'malu al-'ibad hatta yaji'u ar-rajul fala yastati' as-sayr illa zahfan. Cette personne qui n'a pas beaucoup de a'mal, elle finira la traversée du sirat zahfan. الزحف سي ان رومبون. لماذا؟ لان لا با بوكو اعمال فيتعب. اي celui qui a beaucoup de اعمال مقبوله il était sérieux sincère. فهذا كما كلانتي هي une différence énorme. قال وفي حافتي الصراط اي جوانبه sur les côtés du sirat كلاليب c'est comme خطاطيف. Ça ressemble au, vous avez déjà vu chez les crochets, chez le boucher, dans lesquels il accroche la viande. C'est ça le kalalib. Enfin, c'est comme khatatif. Wa fi hafatay as-sirat, donc sur les côtés du sirat, kalalib mu'allaqa ma'mura bi akhdhi man umirat bih. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonnera à ces crochets d'attraper certaines personnes et de les jeter fi an-nar, iyadun billah. Fa makhdushun najin. Enfin, certains ils seront touchés, lakin ils arriveront quand même à traverser. Et d'autres, wa makdusun finnar. Et d'autres, ils se feront attraper par ces crochets et ils iront finnar. Et taqaddam ma'ana anna لكن par rapport à leur péché, ils feront un séjour fi an-nar iyadan billah. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية. العلماء المفسرون ils ont divergé par rapport à ce verset. وإن منكم إلا واردها أي chacun de vous y traversera. فبعضهم ils ont dit c'est sirat et c'est le qawl sahih, et d'autres ils ont cité d'autres aqwal. قال والأظهر والأقوى أن المرور أنه المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية أي chacun de vous traversera. الصحيح c'est que c'est الصراط. Si on dit c'est النار أي فوق النار, sur le sirat, au-dessus de l'enfer. Amma c'est pas الصحيح, c'est que on comprend pas de ce verset que chacun rentrera finnar, forcément. Là, les mu'minoun, ils traverseront le sirat au-dessus de l'nar, et les mu'minoun que Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé, et ils iront fi al-jannah sans rentrer finnar. Fa sahih, ce verset, l'explication authentique, c'est al-sirat. وَالْأَظْهَرْ وَالْأَقْوَ أَنَّ الْمُرُورَ أَنَّهُ الْمُرُورَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ تَعَالَى ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ça montre que al-mu'minun ils seront sauvés et ils traverseront amma al-zalimun al-kafara wa nadharu al-zalimina fiha jithiya, fa ils seront fin nar. Et كذلك تقدم معنا dans le hadith anna certains mu'min ils ont été injustes envers eux-mêmes et eux aussi كذلك ils iront fin nar, lakin d'autres hadith et des versets du Coran ils montrent anna al-mu'min il sera sauvé بإذن الله عز وجل لأنه إلى الإيمان إلى الإسلام لكن الله لا يغفر certains péchés. C'est ça عقيدة السلف. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. Ça montre أن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها المراد c'est pas النار, أي tout le monde rentrera en enfer. Il passera un passage là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a juré que tous ceux qui lui ont prêté allégeance en dessous de l'arbre, bay'atul ridwa, il a juré qu'ils ne rentreront pas dans le nord. Donc ça montre que ma'na al-ayat c'est as-sirat. Le anna ha'ula qu'ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiyallahu anhum, la chacun d'eux ils traverseront as-sirat. Donc ça nous montre que qawlullah azza wa jalla wa in minkum illa waridha, ça englobe tout le monde, tous les croyants, et c'est la traversée sur as-sirat. Qalat Hafsa qultu ya rasulallah alaysa Allah yaqul wa in minkum illa waridha fa qala alam tasma'ih qal thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya rawahu Muslim an ummi Mubashir radiyallahu anha. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré à Hafsa quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit la yalijun nar ahadun bay'a tahta ash-shajara, Hafsa avait compris le verset wa in minkum illa waridha que c'est le nar. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que personne de ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils rentreront au nar, fa Hafsa s'est posé la question comment comprendre ce verset, et tout le monde rentrera. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a démontré أن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها شثية, أي أن المؤمنين ils seront sauvés, rentreront pas في النار. Tu comprends من هذا أنهم يتخافرون الصراط. C'est ça القول الصحيح والله أعلم. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها, أي le fait de traverser ça implique pas qu'ils vont rentrer. لأن تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر على جهنم, أي ce pont il sera au-dessus de النار, فcette traversée ça implique pas le fait de rentrer. وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه, فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. أن مثلا si واحد il a des ennemis veulent l'attraper, si il arrive à s'enfuir et il ne l'attrape pas, on dit Najjahu Allah, Allah il l'a sauvé. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est fait attraper? Là, les causes elles étaient présentes, il était en danger, lakin il s'est pas fait prendre. On dit Najjahullah, Allah il l'a sauvé. Dans le verset Thumma nunajji alladhina taqaw, ça veut pas dire qu'ils sont rentrés fil nar et Allah il les a sauvés. Là, vous avez compris, en arabe, tu peux dire être sauvé, ça veut pas dire que tu as subi la chose. Là, c'est cet exemple qu'il a donné en langue arabe, hafidahullah. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب أصابهم لكن أصاب غيرهم. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. Est-ce que ça veut dire que شعيب il a été touché par l'azab? Là, il a été sauvé. Ça veut pas dire qu'il a été touché ثم sauvé. Là, ça veut dire que son peuple, il a subi un châtiment et Shu'aib, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Et hakada les autres prophètes dans les versets qu'il a cités. قال ولولا ما خصهم الله به من اسباب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك. نعم. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط. نعم. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط. اي traverseront sur le sirat qui est au-dessus de النار. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم أن الورود هو المرور على الصراط حيث قال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. Ça, ça montre أن هؤلاء ils rentreront pas في النار. مع ذلك ils traverseront الصراط. Donc la parole d'Allah عز وجل ثم أو قبل ذلك وإن منكم إلا واردها. Ça, ça montre que c'est la traversée sur le sirat. Wa fi sahih Muslim, an Aisha radiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayna yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat. Qala 'ala as-sirat. Et ça, c'est un dalil an ce sirat c'est haq et nahnu on y croit li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé bidhalik. Fa quand Aisha l'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam où est-ce qu'ils seront les personnes quand Allah y changera la terre et les cieux, comme a déjà fait le Coran? Où que les personnes y seront? Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de cieux. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala 'ala as-sirat. Ils seront sur le sirat à ce moment. Fal khulasa anna ce sirat c'est haq, fa nu'minu bih li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara bih. Kadhalik an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw certains ahadith y montrent les caractéristiques de ce sirat. Et la cité, قال عرض الصراط, أي sa largeur. On a des hadiths qu'on va lire ensemble, الآن إن شاء الله تعالى, qui démontrent هذا. جاء في مسلم, أي في صحيح مسلم, عن أبي سعيد رضي الله عنه, قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. في صحيح مسلم, أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, الصحابي الجليل, قال بلغني أي on m'a informé أن الجسر أي ce pont, ce sirat أدق من الشعرة, il est plus fin qu'un cheveu, وأحد من السيف, et il est plus aiguisé qu'une lame. Ça montre que ce sirat il est très très fin. أولا, avant de lire est-ce que ce hadith il a حكم الرفع etc. أهل البدع والضلال كثير منهم كالمعتزلة, ils ont rejeté هذا. Pourquoi? Parce que pour eux, ça ne rentre pas dans la raison. Enfin, pour eux, ce n'est pas un vrai sirat qui est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé qu'une lame. Là, pour eux, tout ça, c'est pour montrer une chose. Ce n'est pas une réalité. Amma nahnu fala. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a informé bidhalik. Enfin, on y croit. Lianna ha'oula. Et ça, c'est très grave dans notre dîn, de délaisser les textes et de faire passer la raison avant les textes. Ha'oula, ils vont dire comment un être humain il peut traverser ce sirat à telle vitesse et il est aussi fin qu'un cheveu. Comment il va traverser s'il est aussi fin qu'un cheveu? Et ils ont oublié ha'oula. Ou fil haqiqa ma wuffiqou. Ils veulent pas le haq. Wa illa y a aucune comparaison à faire entre cette dunya et l'akhira. Il n'y a aucune comparaison. Allah subhanahu wa ta'ala il est ala kulli shayin qadir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a informé bihada, il est appuyé par le wahi, par la révélation d'Allah azza wa jalla. Et Allah, il est capable de tout. Ba'dahum yawm al-qiyama, ils vont marcher sur leur visage, on y croit. Comme a qalat Aisha, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds, il est capable de les faire marcher sur leur visage. Amma, en tant qu'être humain, celui qui fonctionne avec la raison, et il ne connaît pas les noms et les attributs d'Allah, rubbama, ça lui pose des problèmes. هذا. لكن المؤمن يستسلم لله عز وجل. فالله il est capable de tout. Qui c'est l'un qui a donné la capacité aux oiseaux de voler? Anta, si tu te compares à un oiseau, tu ne peux pas voler. Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulishin qadir. Il a décidé que ces oiseaux ils se déplaceront. Hakada. D'autres ils rampent, d'autres c'est dans l'eau, d'autres ils marchent. فأين المانع أن ces êtres humains ils traverseront ce sirat et il est aussi fin. Allah il est capable de tout. Allah il a créé ce sirat et cet être humain من العدم, du néant. Il est où le problème? أن cet être humain بعد ذلك Allah il lui donne la qudra de traverser alors qu'il est aussi fin. لكن تعلمون حال أهل البدع أنهم ils font passer la raison avant et ils font toujours cette comparaison comme ils ont fait sifat. Comparaison entre Allah et sa créature, فهكذا الآن ils font des comparaisons entre dunya et l'akhira. Et ils s'égarent. On revient au hadith. فبعضهم يقول, Cheikh Mohammed يقول, فبعضهم يقول له حكم الرفع ولكن في النفس شيء من ذلك. Hey, Cheikh Mohammed ibn Hizam وفقه الله تعالى, il n'est pas sûr pourquoi. قال لأن أبا سعيد لم يجزم به بل أحاله على غيره. ولا يدرى لعله أخذه من الإسرائيليات لأن أبا سعيد رضي الله عنه dans le hadith, le hadith est صحيح مسلم, la chaîne de transmission est صحيحة, لكن la parole de Abu Sa'id بلغني. Abu Sa'id il a pas dit الجسر كذا وكذا, لا, il a dit بلغني, on m'a informé. فبعض أهل العلم يقولون, il faut voir c'est qui l'a informé. Est-ce que ce récit n'est pas tiré من الإسرائيليات? Israéliat, les histoires de Bani Israël, des enfants d'Israël. فَلِهَذَا بَعْضُهُمْ Ils ont dit يُنْظَرْ, ils ne sont pas sûrs. بَلْ أَحَالَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يُدْرَى لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الْإِسْرَائِلِيَاتِ. Quand un sahabi dit une chose, et ça fait partie des choses de l'invisible, on dit لَهُ حُكْمُ الرَّفْعُ. Ça veut dire quoi لَهُ حُكْمُ الرَّفْعُ? تَقَدَّمْ مَعَنَا فِي الْمُصْطَلَعِ عِنْدَ مَنْ. Ahsant, al-Sahabi, radiyallahu anhu, s'il informe d'une chose de l'invisible, et il ne dit pas qu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'anna al-hadith, t'as deux cas, t'as le mawquf et le marfou'. Le marfou', c'est quand tu dis qu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Le mawquf, c'est la parole du compagnon. Ahiyanan, t'as un compagnon qui dit une parole, et cette parole, ça fait partie de l'invisible. Mathalan, huna. Le sirat, il est aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une lame. Al-ulama yaqulun, ce mawquf, s'il est sahih, lahu hukm ar-raf'. Pourquoi? Le compagnon, il ne peut pas parler avec sa raison ou un effort, ijtihad. Là, forcément, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, c'est tous des personnes de confiance, kulluhum udul, et cette parole, lahu hukm ar-raf'. Ça, c'est quand le sahabi dit, مثلاً, قول ibn Abbas, أن الكرسي موضع قدمي الرحمن كما تقدم معنا هذا المثال. C'est ça le kursi. Et le trône c'est l'arche. Ibn Abbas il a dit cette parole et les ulama ils disent que له حكم الرفع. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم في الحقيقة qui a dit هذا. لكن Ibn Abbas il a dit la parole sans dire le prophète il a dit. إما Ibn Abbas il l'a entendu directement du prophète صلى الله عليه وسلم. إما Ibn Abbas il l'a pris d'un autre compagnon. Ça c'est le موقوف له حكم الرفع. الآن avec le hadith de Abu Sa'id fi Sahih Muslim, qala balaghani, on m'a informé. Donc il faut voir l'un c'est qui l'a informé radiyallahu anhu. Amma la shakka anna cette parole elle est sahiha an Abi Sa'id, elle est fi Sahih Muslim. Lakin qawluhu balaghani, Cheikh Mohammed yaqul fayunzar qui c'est qui l'a informé. Lakin fi al-haqiqa, il a cité des autres hadith qui appuient هذا. Naqra qala walakin wusifa as-sirat bi annahu ahad min as-sayf. Al-An, il va appuyer avec des autres hadiths une partie du hadith al-mawquf de Abu Sa'id. Qawluhu ahaddu min as-sayf. Il est aussi tranchant qu'une lame. Amma qawluhu radiyallahu anhu adaqqu min ash-sha'r. Fahada, il n'y a pas d'autres hadiths. Fa Cheikh Mohammed tawaqqaf. Allahu a'lam, est-ce qu'il est aussi fin qu'un cheveu pour lui? Lakin annahu il est aussi tranchant qu'une lame. Il a trouvé des autres ahadith qui appuient. فنقرأ. قال ولكن وصف الصراط بأنه أحد من السيف. قد جاء عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن موقوفا وله حكم الرفع. Vous avez vu la différence الآن. Ibn Mas'ud قال أن الصراط إلى أحد من السيف. C'est Hassan, ثابت عن ابن مسعود. في هذا الحال on dit له حكم الرفع. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. L'Ibn Mas'ud, qui sait qu'il l'a informé que le sirat il est aussi tranchant qu'une lame. Là, chacun, ce khabar il vient du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette riwaya d'Ibn Mas'ud, elle appuie la riwaya d'Abu Sa'id par rapport à qawluhu ahaddu min as-sayf. Wa inda Ahmad min hadith Aisha radiyallahu anha wa fi isnadihi ibn lahi'a. Wa ibn lahi'a, as-sahih, c'est que fihi dha'af. Lakin, cette riwaya de Aisha, elle appuie les autres. Même s'il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, elle appuie le mawquf de Saïd, Abu Saïd, radiyallahu anhu, et le mawquf de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum. Wa inda Ahmad ibn Mani', dans son musnad, kama fil matalib al-aliyah, wa min hadith Abi Hurayra, radiyallahu anhu, wa fi isnadihi Abu Ma'shar Najih, ibn Abd al-Rahman, wa huwa dha'if. Lakin, Cheikh Mohammed, il cite ces hadiths dha'ifs pour montrer que ce kalam il a assez, pour appuyer. C'est pour ça qu'à la fin il va conclure, il va dire le hadith il est hassan. Et avec un mawquf, avec ces deux dha'ifs, le hadith il monte au niveau du hassan. وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِ كَمَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي إِسْنَادِهِ زِيَادٍ النُّمَيْرِ وَهُوَ ضَعِيفٍ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ بَلْ إِلَى أَتَّى لَنِيْفُ دُ كما قال الشيخ محمد نفسه dans son الشرح على الأحاديث المختارة في العقيدة الصحيحة. Il a démontré que ça peut atteindre le niveau de صحيح avec toutes ces طرق et avec les deux موقوف أبو سعيد ابن مسعود بمجموع هذه الطرق والله أعلم. على كل حال هذا الوصف إلى صحيح أن الجسر الصراط إلى أحد من السيف لأنه on a des autres hadith. أما قوله أدق من الشعر فالشيخ محمد توقف الحقيقة الأثر إليه في صحيح مسلم دونك celui qui يثبت هذا فلا شيء ولا ينكر عليه أبدا. فهذا ما يتعلق بالصراط. On résume أن من عقيدة السلف أنهم ils croient au sirat. Et ce sirat c'est un pont qui sera au-dessus de Jahannam يوم القيامة. Après les comptes, ça sera la dernière étape pour rentrer fil Jannah. Les après sirat c'est le Jannah. Amma le kuffar fa ils traverseront pas. Ils seront fil nar avant la traversée. Amma le mu'minoun fa ils traverseront. Lakin cette traversée elle sera différente par rapport au amal. Certains ils traverseront très vite, d'autres encore beaucoup plus vite, d'autres moins vite, d'autres très lentement par rapport au amal. Et certains mu'min ils seront attrapés par des crochets qui sont situés sur le côté des sirat et ils seront jetés fil nar à cause de leur péché. Et on a précisé un al-mu'min, même s'il rentre fin nar, un jour ou l'autre il sortira, limadha li annahu il est mort à l'iman. Kadhalik, on a vu un ce sirat, il est aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une lame, comme a dit hadith Abi Sa'id, il est mawquf wa lahu hukmu ar-raf. Et Cheikh Mohammed, il a cité des autres riwayats qui appuient la partie du hadith. أنه إلى أحد من السيف والله تعالى أعلم نكتفي بهذا والحمد لله